Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. En parade. Accordéon parade, c'est un plateau d'accordéonistes. Le bonjour de l'accordéon tous les dimanches de 9h à 10h. Émission qui vous est proposée, qui vous est présentée par Michel. Et hop là! Auditrice, auditeur de Sorgia FM, ami d'accordéon, ami du musette, bonjour! Accordéon Parade, c'est une émission pour les mordus du dépliant, 100% musette de la bande FM. Cette émission d'accordéon parade, j'ai fait appel à un sympathique jeune homme, oui, un seul collectionneur d'accordéon, c'est René. C'est pas René, c'est Jeannot Perret qui va nous interpréter Passion. On écoute Jeannot Perret. Thank you. y a beau danser la java avec Fatma, car y en avait des flottés sans t'y gêner, pendant qu'il la grosse musique fait tim boum, toi tu t'expliques. Quand c'est fini, mon ami, dans le gourmis, qui tourne encore en rêvant, c'est énervant, entre les bras de la Fatma, y a bon danser la java. Merci, merci à Maurice Alexander qui vient nous interpréter une merveilleuse valse avec Fatima. Eh bien oui, maintenant on va continuer. Auparavant, c'était notre ami Tony Murena qui nous a interprété Joyeux Vagabond. Et on va continuer avec Pile Bouvier. Thank you. navigue sur son pied. C'est pour ça que de son pays, Anne-Marie s'en vint à Paris. Elle n'a pas de mari, elle a le cœur Marie, Anne-Marie. Elle court dans tout Paris pour trouver un promis, Anne-Marie. Elle a les yeux bleus d'une enfant de Marie, et son air naïf lui va bien quand elle rit. Y a donc pas dans Paris un homme qui sera le mari d'Anne-Marie. Merci à Jean Vessade qui vient de nous interpréter une merveilleuse valse, Anne-Marie. Et on continue avec Gilbert Delforge qui va nous interpréter Gastonette. Gilbert, allez Gilbert, c'est à toi. Thank you. Accordéon Parade. Accordéon Parade, c'est un plateau d'accordéonistes. Le bonjour de l'accordéon, et c'est tous les dimanches de 9h à 10h. Michel, ses amis accordéonistes. Et c'est une émission pour les mordus du dépliant. Et oui, c'est 100% mutette sur la bande FM. Et il y a quelques instants, nous étions en liberté avec Marielle Roy qui nous a interprété Musette en liberté. Et maintenant, nous allons danser une tarentelle latina, et c'est Corinne Muller de la Tour à Châtillon-de-Méchaille qui nous interprète ce morceau. Ça fait du bien de danser la tarentelle. Et puis la tarentelle, eh bien, ça nous a fait écouter. Enfin, écouter. Non, on n'a pas entendu, mais on entend quand on se promène à droite, à gauche, des froufrous d'oiseaux. Et c'est Eric Blin qui nous interprète Froufrous d'oiseaux. Thank you. Merci à Robert Trônier qui vient de nous interpréter un de ses grands succès, Le Retour des Hirondelles. Et maintenant, on va faire un petit passo-doble avec Guy Tilleux. Thank you. Merci à Élodie Maurice qui vient de nous interpréter un passe-doble, oui, c'était un passe-doble, la Sardane de Barcelone. Et maintenant, maintenant, on va aller retrouver le grand frisé, Monsieur Émile Prudhomme. Thank you. Merci à Monsieur Marceau qui vient de nous interpréter son grand succès, La Marche des accordéonistes lyonnais. Maintenant, on va écouter un galopin du Musette. Et c'est Lucien Chambet qui nous interprète les galopins du Musette. Thank you. de cela se va d'entendre. C'est bien son discours, la chanson d'amour, celle qui parlera. Merci à Adolphe de Prince qui vient de nous interpréter une merveilleuse valse, celle qui charmera toujours. Merci monsieur Adolphe. Et c'est Régine. Régine Limousin qui nous interprète un passo doble. Thank you. Et voilà, c'était Accordéon Parade, une émission que vous a proposée, que vous a présentée Michel ce dimanche. Sur votre sympathique radio, sur votre radio sympathique, sur GFM. Merci d'avoir dansé au son de l'accordéon de mes amis accordéonistes et d'avoir écouté Accordéon Parade. Merci, à bientôt et bye bye! Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Mademoiselle, monsieur, bonjour. 10h01 ce dimanche sur les 91 MHz de Sorgia FM. Et c'est Michel qui est en votre compagnie pour une heure de détente, une heure de bonne humeur. Ça y est, vous avez farté des skis? Et oui, oui, cet après-midi, c'est ski. Avec ce beau soleil et la bonne neige qu'il y a sur le plateau de Retort, pourquoi s'en priver? Comment allez-vous, auditrice, auditeur de Sorgia FM? Je pense que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Oui, on va commencer ce dimanche par un coup de trompette. Oh, mon papa! Et chez Jean-Marc Delors à la trompette qui nous interprète ce merveilleux morceau. Thank you. Bravo, bravo, et merveilleuse trompette, ce Jean-Marc Delors. Maintenant, j'ai programmé là, Franck Michael qui va nous interpréter Ma fille. Eh bien, je dédicace ce morceau à Valentin et Valentine qui m'ont écrit cette semaine, qui m'ont remercié de la dédicace de la semaine dernière. Ça leur a fait énormément plaisir. Et moi, ça me fait énormément plaisir aussi de savoir que vous écoutez mes dédicaces et que vous appréciez, que vous aimez, que ça vous fait du bien. Alors pour vous, Valentin, et puis pour vous, Valentine, pour vous deux, avec naturellement une bonne santé, on va écouter Franck Michael que vous connaissez puisque vous l'avez déjà vu dans Ma fille, Franck Michael. Toujours à l'écoute des 91 et 91 MHz de Sorgue FM. Hier tu n'étais qu'une enfant, que je berçais en te chantant de douces chansons pour sécher tes larmes. Je ne t'ai pas vu grandir, et toi tu veux déjà partir, vivre ton amour et ta vie de femme. Je te revois en robe claire, quand tu courais dans la lumière du printemps. Insouciante et si légère, si jolie et déjà fière d'avoir 10 ans. La vie que je t'ai donnée, l'amour va me la voler. Et il y a eu ce voleur qui a su dérober ton cœur et puis emporter un peu de mon âme. Les enfants s'en vont toujours, quand c'est leur temps, quand c'est leur tour, sans se retourner et sans une larme. Mais où est la petite fille, un peu timide et si gentille, qui dansait pour une glace à la vanille devant toute la famille qui chantait. La vie que je t'ai donnée, l'amour va me la voler. Avec son sac en bandoulière qui rêvait d'être une étoile de la danse pour la moindre remontrance qui pleurait. L'amour que je t'ai donné, la vie va me le voler. Thank you.

Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Alors la bleusaille, là. Alors, hein, faut écouter les anciens un petit peu. Pas du tout. Vous, Durand, allez me chercher la clé du champ de tir, là. Oui, monsieur, mon caporal. Ça, c'est de la sonnerie. Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Et vous savez que vous pouvez écouter les émissions de Sorgia FM, sur les 91 MHz bien sûr, toutes les émissions en podcast sur Internet. Accordéon parade, dimanche variété et bien d'autres. Alors il ne faut pas vous priver, vous branchez internet, vous mettez Sorgia FM, podcast. Et voilà, vous trouvez vos émissions préférées. Pour l'accordéon, eh bien, je vous signale que mardi, dimanche prochain, à partir de 9h, Michel vous présentera dans 15 jours, puisque dans 15 jours, Michel va fêter ses 35 ans d'accordéon à l'antenne. Alors là, il aura 2 heures d'accordéon. Mais la semaine prochaine, à partir de 9h jusqu'à 10h, 1 heure d'accordéon parade. Du bonheur pour les amoureux de l'accordéon. Et on continue cette dimanche variété avec une grande dame de la chanson qui nous a quittés en 1951. Mademoiselle Fréhel. C'était le titi parisien, la parisienne. Elle avait la gouaille, elle avait tout. Oh, formidable, la Fréhel. Mais elle a terminé comme vendeuse de 4 saisons.

faudrait être un génie, être une onde dans la joie, à chaque fois qu'on nous dit, et toi comment tu vas? Il faudrait pousser tous ceux autour de soi, être le premier à crier, regardez-moi. Mais que Dieu me pardonne, j'ai tout fait à l'instinct. Moi je ne suis qu'un homme, peut-être un bon à rien. Mais que Dieu me pardonne, j'ai le cœur sur la main. Si parfois j'abandonne, c'est pour faire mieux demain. Sympathique coup de téléphone, il y a quelques minutes au 04 50 56 01 48, un auditeur, c'est René Badeau, de l'EHPAD de la Croix-Rouge à Bellegarde, qui m'a téléphoné, qui m'a gentiment remercié pour la dédicace qui a été faite la semaine dernière pour les aides-soignants de la Croix-Rouge. Alors René, je vous remercie, c'est gentil à vous de me remercier, je vois deux dédicaces la semaine dernière, deux remerciements, et croyez-moi, ça fait chaud au cœur. Alors René, pour vous tout seul, eh bien nous allons écouter Tendresse Auvergnate et c'est Mimi Prudhomme pour vous René. We'll be right back.

c'est ça, mettez l'oreille de votre transistor bien contre le poste. Voilà, je vais vous le dire. Tous les dimanches matin, quand je viens à la radio... Eh bien, je bois un petit verre, et oui, un petit verre de liqueur, et ça fait drôlement du bien. Ma petite Louise, on sait ta fête, mets ta belle robe, ton chapeau. On va faire une dinette à Joinville, au bord de l'eau. On va choisir une quinquette. T'auras des copains au dessert, ma petite Louisette. On prendra pour se donner de l'entrain. Un petit verre de liqueur, ça vous fait chaud dans le cœur. Quand on est entre amis gentiment réunis pour chasser le cafard, les soucis. Un petit verre de liqueur, il n'y a rien de meilleur. À la tienne, à la mienne, à la vôtre, à la leur, c'est si bon, un petit verre de liqueur. Tu prends ta mine angélique, et l'on ne peut pas t'embrasser. Tu baisses les yeux, l'air pudique, mais que s'est-il donc passé? Louison, je connais quelque chose qui sûrement va te remonter. Tes jours deviendront comme des roses, tu vas retrouver ta gaieté. Un petit verre de liqueur, ça vous fait chaud dans le cœur. Quand on est entre amis gentiment réunis pour chasser le cafard, les soucis. Un petit verre de liqueur, il n'y a rien de meilleur. À la tienne, à la mienne, à la vôtre, à la leur, c'est si bon, un petit verre de liqueur. On te retrouve, ma chérie, dans l'éclat de ta beauté. La vie te paraît jolie, parce que tu viens d'en goûter. Je te l'avais bien dit, ma chère, ça grise et c'est doux comme du velours. Vraiment fine, y'a que ça sur la terre, pour nous faire chanter l'amour. Un petit verre de liqueur, ça vous fait chaud dans le cœur. Lorsque l'on est à deux et qu'on est amoureux, il n'y a rien de plus délicieux. Un petit verre de liqueur, ça vous donne l'air vainqueur. À la tienne, à la mienne, à la vôtre, à la leur, c'est si bon, un petit verre de liqueur. Plus de soucis, plus d'ennuis, quelle douceur dans un verre de liqueur. Ce qui me plaît chez toi, c'est ton petit bidon. Poignée d'amour, je trouve ça trop mignon. Même si les sauts dans la rue te trouvent un peu trop gras, au moins c'est confortable quand tu me prends dans tes bras. No! shades of night are falling. It's twilight time. Out of the mist your voice is calling. 'Tis twilight time. When purple colored curtains mark the end of day, I'll hear you, my dear, at twilight time. Deepening shadows gather splendor as day is done. Fingers of night will soon surrender the setting sun. I count the moments, darling, till you're here with me. Together, at last, at twilight time. Sweet and same old way, I fall in love again as I did then. Deep in the dark, your kiss will thrill me like days of old, lighting the spark of love that fills me with dreams untold. Each day I pray for evening just to be with you together. At last at twilight time, in the afterglow of day, we keep our rendezvous beneath the blue. In the sweet and same old way, I fall in love again. Lighting the spark of love that fills me with dreams untold. Each day I pray for evening just to be with you. Together at last at twilight time. Together at last at twilight time. Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Thank you. Eh bien, on va se quitter, auditrice, auditeur de Sorge FM. Je pense que vous avez passé un agréable moment avec l'accordéon, avec la variété. Et à bientôt sur les 91-91 MHz de votre radio sympathique, Sorge FM. Bonne semaine à vous tous et à vous toutes. En triolet, bien sûr. Et avec de la bonne humeur. Bye bye, à bientôt.